Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le week-end en famille, 2. Avec Chloé Gilbert pour parler d'un événement qui existe depuis ce début de saison, cette nouvelle saison, c'est la deuxième édition. C'est un temps fort initié au cours de cette saison 2019-2020. Alors pourquoi peut-être ces week-ends en famille avec à la fois des spectacles mais également différents événements, à la fois de convivialité, de rencontres, de partage, qui sont concentrés sur 3 week-ends au cours de la saison. Oui, tout à fait. Effectivement, les week-ends en famille sont les nouveaux temps forts de cette saison 19-20. Pourquoi un temps fort à destination des familles? Il nous a paru évident que les familles étaient forcément très présentes sur le territoire et qu'on a aussi l'enjeu de faire vivre nos lieux différemment et de devenir des lieux de vie pour tous. Et donc, à côté des temps génération qui étaient déjà présents la saison dernière et du temps fort arrêt humanité, on a eu effectivement l'envie de proposer 3 rendez-vous cette saison à destination principalement des familles, même si évidemment les familles sont les bienvenues tout au long de la saison. Le premier week-end a eu lieu au mois d'octobre. Comment ça a marché? Est-ce qu'il y a eu un succès? Est-ce que les familles ont répondu présentes? Alors effectivement, on a eu ce premier week-end en famille sur le premier week-end des vacances scolaires de la Toussaint. On était évidemment ravis de cet événement qui est nouveau. Alors la petite particularité de ce premier week-end en famille, c'est qu'on était principalement à Cergy et au Théâtre 95, ce qui ne sera pas le cas donc du week-end en famille 2 et du week-end en famille 3. On sent que les familles, en tout cas, sont demandeuses de genre de rendez-vous et ont été, en tout cas, ravies de cette expérience familiale à point commun. Après, je pense qu'il faut qu'on positionne aussi cet événement et qu'on travaille sur une identification de nos lieux pour les familles. Prochain week-end, il aura lieu du 10 au 12 janvier prochain. C'est le week-end en famille 3. C'est pour le mois d'avril, les dates du 24 au 26 avril prochain. À l'affiche de ce week-end en famille 2, eh bien, il va être question de petites conférences Lumière pour enfants avec notre invité qui va vous être présenté dans un instant. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le week-end en famille, 2. Gilbert Tsai, bonjour. Vous êtes conceptrice de petites conférences qui vont être présentées dans le cadre de la saison 2019-2020 à Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Avant peut-être de voir le programme des rendez-vous qui sont proposés au public, voire au très jeune public, ai-je lu, peut-être nous dire un petit peu l'idée générale de ces petites conférences qui sont en effet destinées aux enfants. Oui, alors c'est une manifestation en fait que j'ai créée il y a maintenant plusieurs années, c'était je crois en 2001. Je dirigeais à ce moment-là le Centre dramatique national de Montreuil. Et on m'avait confié la direction de ce centre qui était au départ un centre qui ne programmait que des spectacles à destination de la jeunesse, mais on m'avait chargé de le transformer en un centre dramatique, donc qui programme pour tout le monde. Et je voulais garder en fait une manifestation qui fasse que adultes et enfants viennent ensemble. Et j'ai eu l'idée donc de ces conférences en me disant qu'en fait, les enfants sont, à partir de 10 ans, sont très curieux, se posent des tas de questions, sont déjà des philosophes, et que très souvent, ils n'ont pas les réponses à ces questions, c'est une première chose. Et d'autre part, je constatais aussi qu'ils n'avaient, et surtout justement, puisque je travaillais à Montreuil, en banlieue, pas forcément l'occasion de rencontrer des personnes passionnées de leur métier. Et pourtant, je pense que c'est très très important en fait, dans la vie d'un enfant et dans la façon dont il va conduire sa vie ensuite, de rencontrer justement des gens passionnés. Donc voilà, j'ai initié ces petites conférences pour lesquelles donc, je convoque les plus grands spécialistes dans chaque domaine, des gens qui n'ont souvent d'ailleurs pas du tout l'habitude de parler aux enfants, qui sont des gens qui font des conférences dans le monde entier, dans les plus grandes universités. Mais donc je leur demande de venir parler aux enfants, de façon à ce qu'enfants et adultes puissent suivre

Dansez sur moi, dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroite mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. Le week-end en famille, 2. Week-end en famille 2, c'était donc Gilberte Saille, conceptrice de petites conférences. Et je dois dire que dans notre échange, ça donne forcément l'envie, le désir de se rendre en famille pour partager ces moments. C'est vrai que cette notion de partage entre générations, partage entre parents et enfants, partage entre adultes et enfants et jeunes, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Jusqu'alors, on avait un peu tendance à, considérer que les spectacles pour enfants étaient destinés pour enfants et pas plus, et les parents restaient à la porte passer un peu le relais aux structures culturelles. Là, les parents et en famille, on reste ensemble. Tout à fait. C'est exactement l'objectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une programmation pour enfants où voilà, on ne scinde pas les choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir des propositions avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, c'est le cas évidemment des spectacles, mais c'est aussi le cas de tous les événements qu'on propose autour de ces spectacles. Et la petite conférence est un exemple, hein. C'est-à-dire que petite conférence lumière pour enfants, mais avec évidemment une adresse aussi aux adultes et aux enfants. Et l'idée, c'est de découvrir, pratiquer, s'amuser, s'émerveiller et apprendre en famille. Mmh. J'ai indiqué à la fois des événements divers et variés et aussi des spectacles. À l'occasion du Week-end en famille 2, eh bien, le premier spectacle a pour titre « Couac ». Il nous est proposé par un chorégraphe et artiste visuel qui a pour nom Alain Michard. De la danse, de la musique au programme ? Exactement. Alors c'est tout à fait une proposition un peu hybride à la croisée de la danse, du théâtre, de la musique et même du cirque. C'est un genre de spectacle qui ne rentre pas dans une case. Et pour la petite anecdote par rapport à ce qu'on disait, c'est en fait un spectacle qui a déjà tourné depuis 10 ans, mais qui n'était pas spécialement destiné au jeune public. Et on est quasiment les premiers à l'accueillir aussi en temps scolaire à destination des écoles. Mais c'est vraiment un spectacle tout public et pour tous. Spectacle qui joue sur tous les tableaux, danse, musique, cirque, théâtre. Et donc effectivement là c'est tout public pour le coup. Ça sera le vendredi 10 janvier à 19h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Alors je lisais aussi dans le propos du spectacle, ce petite mécanique du burlesque, chorégraphie de l'errance, concert dadaïste joué sur des instruments désaccordés par des musiciens approximatifs et résolument rock. Ça veut dire que ça va se détonner tout cela. Exactement, oui, c'est un ballet burlesque un peu décalé et on a effectivement quatre régisseurs qui arrivent pour installer un concert, mettre en place un concert, et tout est une histoire de trajectoire. Ils se croisent, ils se ratent et au final, finalement, ils finissent par remplacer les musiciens qui ne viennent pas pour ce fameux concert. À signaler à ce propos qu'il y aura 7 représentations du vendredi 10 janvier à 19h30 à voir en famille, mais les scolaires auront l'avantage de pouvoir profiter d'une représentation les 9 et 10 janvier prochains en partenariat avec Visage du Monde et la ville de Cergy, et qu'il y a même un atelier parents-enfants qui est organisé avec l'équipe de ce spectacle. Oui, tout à fait. Dans l'idée aussi des événements qu'on propose dans le cadre de ce week-end en famille et autour des spectacles, l'idée c'est de continuer après le spectacle et de comprendre un peu plus, d'entrer un peu plus dans l'univers de la compagnie. Et donc c'est là aussi pas un atelier pour enfants, mais un atelier à découvrir en famille, en partenariat avec la Maison des Arts, qui vient d'ouvrir ses portes et qui est un de nos grands partenaires de ces week-ends en famille. Maison des Arts, l'ex-bibliothèque d'études et d'informations située Place des Arts à Cergy

qui est, et ce que je disais, que c'est quelque chose qui est très joyeux, justement, se réétonner des choses, ça se fait dans une ambiance conviviale, joyeuse, collective. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura une pratique d'initiation à la magie pour faire voler des petits objets et que chacun puisse repartir avec un petit miracle à réaliser chez soi. Ah bien, vous nous donnez vraiment l'envie de venir découvrir tout cela. C'est le samedi 11 janvier prochain. Ça sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise à 14h30, puis à 16h30. Et tout cela à découvrir et à partager en famille, comme il a été dit. Merci beaucoup, Pierre Mousset. Merci. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le week-end en famille, 2. Atelier danse, atelier philomagie, et là, autre proposition, autre rencontre, autre événement. Cette fois-ci, je crois que vous aviez déjà initié cette idée du yoga en famille, et tout cela au théâtre. Est-ce bien sérieux ? Ben, on est effectivement tout à fait dans la question de la transformation de nos lieux et de proposer, d'ouvrir nos lieux à d'autres rendez-vous que des rendez-vous vraiment spectacles. Effectivement, le yoga, on l'a initié en ce début de saison avec notre grand projet d'ouverture qui était le jardin éphémère. Alors, le yoga était ouvert à tous, pas simplement à faire en famille, mais on a senti en tout cas un engouement et qu'effectivement, la transformation d'une salle de spectacle en salle de yoga est aussi très intéressante et ça rentre tout à fait dans l'idée de partager des moments en famille. Donc celui-ci, en tout cas sur le dimanche 12 janvier à 11h, on le réserve en priorité aux familles, donc à des binômes parents-enfants. Et comme il a été dit, de faire de ces lieux de culture, de ces lieux de théâtre, des lieux de vie plus largement, c'est ça ? Tout à fait, c'est pour ça qu'effectivement on propose un parcours avec la possibilité donc d'un cours de yoga en famille, un brunch également, c'est-à-dire qu'un moment de convivialité aussi entre le cours de yoga et la petite conférence Lumière pour enfants. Et de la même manière, au Théâtre des Louvrets, on aura en amont du spectacle Backbone et tout au long de l'après-midi des jeux, puisqu'on a un partenariat avec l'association Le Jeu pour Tous qui nous installe des jeux qui sortent un peu des écrans et des jeux vidéo pour retrouver aussi là le plaisir de jouer en famille avec des jeux en bois et des jeux originaux. Sur le dimanche 12 janvier, c'est là pareil, on parle de partenariat, indiquons ce partenariat permanent, j'imagine, avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, avec une belle rencontre musicale autour de Igor Stravinsky, Petrushka, c'est un concert en famille qui nous est proposé à l'occasion de ce week-end en famille. Effectivement, le conservatoire est un grand partenaire de ces week-ends en famille et de manière plus générale de Point commun. Et on a tenu à articuler les concerts en famille du conservatoire avec ces trois week-ends tout au long de la saison 2019-20. Avec la rencontre, pour le coup, se produisant au conservatoire, dans l'auditorium du conservatoire à rayonnement régional, qui est situé la place des Arts, sur Cergy, grand centre. Et donc, concert qui aura lieu le dimanche 12 janvier à 11h. On a parlé des petites conférences. Il a été dit quelques mots sur ce barrageux avec le partenaire Le Jeu pour Tous. Toujours là, c'est le dimanche 12 janvier de 14h à 18h. Cette fois-ci, ce sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Des passerelles entre tous ces lieux de théâtre, entre Cergy et Pontoise. Alors, j'ai pas indiqué si c'était payant, si c'était gratuit. Il me semble que la gratuité pour l'essentiel. Tout à fait. Alors le barrage évidemment est gratuit, les ateliers sont gratuits, ainsi que la petite conférence Lumière pour enfants. Y compris l'atelier philomagie dont on a parlé avec Pierre Mousset, gratuité là encore. Tout à fait, donc avec deux ateliers, un premier atelier à 14h30 et un autre atelier à 16h30. Bon, il y reste cependant, parce que joindre l'utile à l'agréable, je crois qu'il y a aussi des moments de convivialité, des moments de partage là encore, avec un before en live qui sera organisé en ouverture de week-end, le vendredi 10 janvier, au Café de la Plage à 18h, c'est ça ? Tout à fait. Là aussi, l'idée, c'est de développer le partenariat avec le conservatoire et d'associer les élèves du conservatoire à la vie de nos lieux. Et donc, avant la représentation de Quack, à partir de 18h, On démarrera ce week-end en famille en musique avec les étudiants du conservatoire. Bon, il nous reste juste à préciser le brunch, parce que finalement, tant qu'à faire, ouvrons ces festivités et ces rencontres par cette convivialité. Le dimanche 12 janvier à 12h30, alors on vient en famille avec son panier où tout est organisé sur place pour déjeuner. Alors, tout est possible, José, puisqu'effectivement, nos lieux sont ouverts, donc les familles qui veulent venir avec leur panier peuvent, mais nous, en tout cas, on a une proposition vraiment de brunch avec une formule forcément pour les enfants et pour les plus grands. On rappelle que le week-end en famille 2, c'est du 10 au 12 janvier prochain. Nous serons en 2020, mais il faut déjà noter ces dates sur nos agendas et que le principe général de ces propositions, c'est de venir en famille. Alors, c'est quand même frustrant pour ceux qui ne sont pas en famille. Comment fait-on ? On est laissé à la porte ? Évidemment, on est ouvert à tous. Donc de 7 à, enfin même de 6 à 86 ans, 90 ans. La famille, voilà, ça représente quelque chose, mais on est bien sûr invité aussi à venir seul ou entre amis. Bon, bah je crois qu'on a dit l'essentiel. Je me tourne quand même vers Chloé. Tout a été dit, pas de frustration justement. Alors, peut-être nous donner aussi l'envie de découvrir le reste de la saison avec une actualité à ne pas manquer sur le plan musical qui se produira à l'affiche d'un autre temps fort qui pointe à l'horizon à l'initiative de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. C'est Génération 5 qui nous annonce la venue à Cergy Pontoise d'une chanteuse qui a pour nom Isia, qui va être forcément irradiante, si j'utilise ce mot, ça n'est pas par hasard. L'occasion de découvrir cet artiste avec son nouvel album qui est sorti récemment, au mois d'octobre dernier, Citadelle. Et l'histoire de cet album, c'est un trait d'union entre son père et son fils. Son père, comme chacun sait, c'était Jacques Higelin. Elle fête à sa manière ce passage d'une génération à une autre, la disparition de son père et la naissance de son fils. Donc tout cela, ça sera partagé en concert le samedi 8 février prochain à 21h au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Et là, en partenariat avec l'Observatoire, ville de Cergy. Bien, merci Chloé. Merci beaucoup. On peut se dire joyeux Noël, joyeuses fêtes, parce que c'est la dernière de cette année 2019. Exactement, et à l'année prochaine. Merci. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Eh, hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Eh, hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Eh, hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Hey, hey, les sentiments dressés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes, c'est vite. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. Oui, en conclusion donc, toute information et réservation concernant les spectacles qui ont été présentés au cours de cette émission, je vous renvoie vers le site internet de Point commun, c'est point-commun.com au pluriel, évidemment. Le téléphone, toujours accessible au 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 14. Remerciements à l'ensemble de nos invités, Chloé Gilbert ici en studio et les artistes qui se sont exprimés au cours de cette émission. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissin pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusé samedi prochain. Nous serons le 14 décembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur radio-rgb.net. Le prochain rendez-vous avec Point commun, bah, ça sera en 2020, le mercredi 8 janvier de 19 à 20h, comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes de Noël et de nouvelle année, et je vous dis à bientôt sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également à Point commun, à Cergy comme à Pontoise. Merci. Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.